Parler de hockey scolaire avec Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, c'était les derniers matchs de la saison régulière cette semaine dans les différentes catégories. Oui, exactement. Là, il reste seulement notre Benjamin là, qui termine sa saison demain là, contre le Cardinal Roy. OK. Donc, à quoi ça ressemble maintenant? Fais-moi le portrait des séries dans les différentes équipes. Oui, 2 secondes. Dans le fond, la dernière semaine, là, notre cadet jouait contre Arvida. Et puis, on les a vaincus par la marque de 7 à 2. Le lendemain, on jouait contre la première équipe de la Ligue à Saint-Georges. Donc, c'était vraiment un match au sommet là, hier. Il voulait rien dire vraiment. Mais dans le fond, on voulait laisser une bonne. On voulait finir sur une bonne note. On les a vaincus 4 à 0. C'est une équipe qui a seulement accordé 17 buts contre là, dans l'année. Hey, Donc, monsieur. c'est ça. Puis le juvénile également là, a fini sur une bonne note en remportant 4-2. Puis nos Benjamins sont présentement à Alma, là, ils tiraient de l'arrière. Il restait 5 minutes à faire par la marque de 3. Fait Donc, que là, pour ce qui est du. ouais, 17 buts, c'est quand même pas beaucoup, hein? Non, non, en 25 matchs, il avait juste accordé 17 buts. Là, donc, vraiment Tabarouette. une très belle défensive. Oui, vraiment. OK. Donc, comment ça le portrait des séries? Oui, ben, dans le fond, notre Benjamin Dizion, eux, vont affronter Chicoutimi là, pour un 3 de 5 à compter de la semaine prochaine. Vraiment une série authentique. Pour ce qui est des autres catégories, dans le fond, le cadet et le juvénile, eux, on a divisé la première ronde des séries. Là, c'est un petit. On se ramasse tous dans chacune. On a toutes des poules de trois. Dans le fond, il y a quatre poules de trois. Puis la dernière position de chaque poule va être éliminée. Donc, nous, en finissant troisième en cadet, on est troisième, on va affronter la sixième et puis la dixième position. Fait que on a 10 jours pour jouer ces matchs-là. Puis suite à ça, on reprend notre classement de saison régulière. Et puis, dans le fond, là, on y va avec le meilleur classé, avec le moins bon classé. Pour ce qui est du juvénile, ben c'est le même principe, là, dans le fond. Eux autres, ils ont fini septième au classement. Donc là, eux autres aussi, ils ont le pouls. Fait que pour ce qui est du cadet, dans leur affrontement, on affronte Saint-Jean-Eudes et puis Cardinal-Roy. Puis au niveau du juvénile M18, là, ils affrontent Cardinal-Roy et puis Pointe-Lévis, la position 2 puis la position 11. Donc, ça ressemble à ça. Fait que d'ici une semaine, d'ici le 11 avril, on va savoir si nos équipes poursuivent ou non vers les quarts de finale. Es-tu confiant? Oui, je suis confiant. Notre Benjamin affronte vraiment une bonne équipe. Pour ce qui est de notre cadet, notre juvénile, écoute, ça va jouer du coude. C'est toutes des bons, c'est vraiment toutes des bonnes équipes qui ont bien progressé, puis des très beaux programmes. C'est sûr que ça va jouer du coude. La saison recommence à zéro, puis il arrive toujours des upsets, comme on dit. Fait qu'on va essayer de pas se faire, on va essayer de pas tomber dans le panneau. OK. Parle-moi de la collecte d'équipement. Ça a-tu bien été? Ah oui, vraiment, la collecte d'équipement, écoute, là, j'avais pas d'attente, je savais pas comment ça allait fonctionner. J'étais allé me chercher un commanditaire là, avec CCM là, pour me donner des poches. On est tout en train de trier le stock. On a reçu peut-être environ quasiment une quarantaine de poches de hockey, là, de matériel, les pads, des patins, des casques de toutes sortes, de toutes les grandeurs. Fait qu'on va faire le tri de tout ça, on va nettoyer tout ça, puis on va trouver une façon d'aller remettre ça là, dans les différents hockey mineurs ou dans nos écoles là, de notre secteur. Ça coûte tellement cher d'abord jouer au hockey, c'est incroyable. C'est pas tout le monde là, qui peut se permettre là, de tout ça. Là. Surtout de ce temps-ci, le coût de la vie est rendu tellement cher. Fait que c'est une bonne œuvre que vous avez faite du côté des Aigles de Robert-Val. Ah, c'est ça. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions non plus dans les différents hockey mineurs. Fait que si ça peut inciter des jeunes à jouer au hockey, puis l'essayer au moins, d'essayer s'ils aiment ça avant d'aller acheter, ben, ça va peut-être donner des inscriptions de plus là, à des jeunes dans notre secteur. OK. Ben, Simon, on s'en reparle bientôt. Yes. Notre Merci, ami Danny. Simon Bye. Gaudreau qui nous parlait des Aigles de Robert.